Tortoline et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Bonsoir Bruxelles. Bonsoir, bonjour. On ne sait plus trop bien. On ne sait plus trop. Puisque ça y est, je crois que le soleil est. Oh, tu te caches des rayons peut-être. Ouais, je me cache des rayons. Ou tu te caches de moi, je ne sais pas. Ouais, de toi aussi. Tu me fais peur. Salut les auditeurs, salut à tous. Vous êtes de retour chez Tortolier Batax. Mettez-vous à l'aise, bienvenue. Il y en a qui sont en train de travailler, peut-être il y en a qui sont en train de dormir. Toi, tu es en train d'écouter Tortolier et Arbatax. T'arrives pas, je sais pas. Parlez-t-on. J'ai la gorge un peu sèche. J'ai tracé pour venir que du trafic. Ah. Que trafic. Folie sur les terrasses aussi. J'étais retenu en terrasse en fait. Ah, pardon. Pardon. Voilà, tu nous écoutes sur le 105.4 de Rogier à la porte de Namur. Et puis dans le reste du monde, tu nous écoutes sur radiopanique.org. T'as vu, c'est international, ça claque d'entrée de jeu. Tortouli, ça va toi? Qu'est-ce qui se passe? T'es un petit peu chaud. Hein. Je suis en train de me déshabiller, tranquille. Tranquille, vas-y, mets-toi à l'aise. J'aime bien faire la régie tout nu. Eh ben attends, on va se mettre tout nu au fur et à mesure de l'émission, t'inquiète pas. En attendant, on a juste besoin de tes mains et de ton cerveau. On a besoin de tout ça parce que une bonne émission commence par un générique. Bah voilà, tu t'avais pas un truc en tête toi en arrivant? Je sais pas, j'avais une petite chansonnette comme ça faisait un peu genre. Mais je sais pas, ça te dit rien, je sais pas pourquoi je le sentais. Je sais pas, refais-le peut-être. Attends, je te le refais. Ah oui, je vois. Tu vois ou pas? Je vois. Yo! Un truc comme ça. Bien, mais voilà, c'est ça. Je suis pas sûr que ça soit terrible après. Je sais pas. On va voir. Kiff? Ah non, je peux pas accepter ça. Je pense qu'on a compris la thématique. Attends, il y a Dr Quest qui squatte. Dr Quest, qu'est-ce tu veux que... quoi? Ah, c'est, tu veux un chocolat peut-être? Ouais, chocolat. Bien sûr. Et ben, pendant que tu lui donnes un chocolat, moi je vais balancer le générique. Le générique, c'est le lundi au soleil, le vrai, mais en japonais. Hommage. Tu vois? Tribute. J'adore. On se retrouve juste après. Plus original, j'adore. 105.4. Thank you. Vous écoutez Tortolier, Herbatax, vous écoutez Radio Panique, c'était le générique de la semaine. Un générique un lundi au soleil. J'adore. Un soleil rouge. Un soleil rouge. Soleil japonais, puisque la chanson est en japonais. Voilà. C'est vrai. Hommage quoi. Tu fais référence au drapeau japonais. Voilà, au feu drapeau japonais. Mais il est de plus en plus rouge le soleil japonais. Voilà. Pas faux. Réacteur numéro 2. Ça me fait plaisir d'être là moi. Ça me fait plaisir, je sais pas, je suis en pleine broaka quoi, je sais pas comment on dit. Très bien. Je suis blindé, j'ai envie de partir sur de la musique là. D'habitude. Vas-y pars, je vais mettre la musique. Voilà, parce que vu que cette émission est un petit peu musicale, on part sur quelque chose d'un peu électro swing, hein, c'est à la mode en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué les gens, mais c'est un peu la mode de l'électro swing. C'est tout ce qui est un petit peu Chinese Man, Belle Ruche, tout ça. Et justement, en parlant de Chinese Man, on en a un qui va venir, c'est le nouveau, c'est le brand new, ça s'appelle Miss Chang. Ouais, ça s'appelle Miss Chang, c'est l'album, il est sorti en numérique la semaine dernière et il sort en CD début avril, il me semble. Un truc comme ça. Okay. Mais juste avant ce nouveau Chinese Man, on va vous mettre Grammatic. Grammatic, c'est un DJ slovène. Alors toi-même, tu sais, les Slovènes, ils ont une flopée de stars. Ouais. Qui sont. Tu pourrais m'en citer. Bibadidadou. Voilà, capitale de la Slovénie. Bratislava. Voilà. Et en termes de stars. C'est tout ce que je connais. On sait pas. Bah, j'aime bien Christiana 42, non ? Non, Slovaquie, je crois. Slovaquie. Enfin, Christiana quelque chose, puisque qui n'est plus 42 feu, apparemment. Feu 42, voilà. Bientôt Christiana Tortoli, bientôt peut-être. Mais je croise les doigts, j'envoie des mails tous les jours. Elle répond pas à mes textos, je comprends pas. On doit prendre ça pour un spam. Mais en attendant, je vais lui dédicacer la prochaine chanson. C'est DJ Grammatic, G-R-A-M-A-T-I-K. Ça finit par un K comme Radio Panique. Et c'est Hit That Jive. You know, on se rejoint juste après ça pour l'expression de la semaine et tutti quanti, tout ce qui suit. Tu sais, toi-même, tu sais. Adriana, c'est pour toi. Hit that jive, jack. Pull it, flag it, flag it back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive, jack. Pull it, flag it, flag it back. Going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive, jack. Pull it, flag it, flag it back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your hand. c'est Radio Panique. C'est 105.4, c'est Tortoli et Arbatax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. Tortelier en rythme. Oh là là. Un, deux. Et ouais, je pars pour la Libye. Ça y est. Sous les drapeaux. Tortelier tablé sous les drapeaux. Lesquels, on ne sait pas, mais. T'es quoi ton drapeau, toi, Tortelier? Moi, je suis roux, alors c'est les couleurs de l'Irlande. Très bien, très bien. Ça s'est bien passé, la sympathique, la semaine dernière. Sympathique. C'était sympathique. Sympathique. Et toi, on t'en a dit que Dublin ou. Tu mets les pieds dans le plat, Tortoli, j'ai envie de te dire, puisque c'est l'heure de l'expression de la semaine. On le rappelle pour ceux qui connaissent pas, mais je sais que tout le monde connaît Tortoli Arbatax, c'est une grande famille, on est habitué maintenant. On se présente plus, quoi. Vas-y, présente-toi. Enfin, si... moi, c'est... ah oui, j'ai fait l'erreur la semaine dernière, je sais pas si tu te rappelles, je me suis appelé ouais. Tortoli. Oh, c'était le buzz. Oh, laisse tomber. Ça a tweeté. Laisse tomber. Mec, à mort. Ça a tweeté à mort. Dans le grand journal. Bref, pour rappeler quand même vite fait l'expression de la semaine, chacun, toi et moi, on propose une expression. Ça vote pendant une semaine auprès des auditeurs. Vous êtes bien sûr amenés à voter. Ça se passe sur Facebook, on va le rappeler. En tout cas, les deux expressions de la semaine dernière. Ah, vas-y, faisons les totales. Elles étaient thématiques, elles étaient bien trouvées. C'était on en dit que Dublin. Ça, c'était toi qui défendais ça. Ouais. Et voilà, et toi, tu défendais ? Moi, je défendais, bah, je défends toujours hein, le Japon. Tu défends le Japon ? Voilà, ni bon ni mauvais. Moi, quand. Même sur. Ah, ça rigole. Ça rigole. Voilà, c'était ni bon ni mauvais, mais visiblement les gens ont pas l'air touchés quoi. Ça les affecte pas trop les catastrophes nucléaires. Non, t'inquiète pas, attends une semaine, apparemment il y a un nuage qui va arriver qui va nous affecter. Mais enfin, non, ça s'arrête toujours à la frontière. Ah, exact. Pas problème. Bon, très bien, quels sont les totaux? Eh bien, ça fait 4 pour toi et ça fait 3 pour moi. Bra. Donc voilà, ça fait du. Voilà, t'as un point. Oui. T'as un petit point. Et voilà. C'est pas mal. Et voilà. Et on était quoi? On était égalité la semaine dernière. Ouais, donc tu repasses. Repasse devant. Voilà, tu mets un cheveu de roue devant. Voilà. Petit Saint-Patrick. D'un cheveu, ma poule. Moi, oh là j'allais là. Dire un gros mot. Oui, bah, on peut dire des gros mots sur une radio libre. Voilà, on peut. Mais j'ai dit ma poule. Bon, cette semaine, qu'est-ce que tu nous proposes, mon petit Patrick? Je te l'avais caché jusqu'à maintenant. Ah bah vas-y, sors-le de ta poche. Je te le dévoile, je vous le dévoile à tous. Vas-y. Ça, on dit, par exemple, quand je te regarde. Quand je te regarde, par exemple, ça me pique les yeux. Ça pique les yeux. Voilà, mais ça peut être pas que quand on te regarde toi. Non, mais ça peut être pour pas mal de choses quoi. Quelque chose qui est un petit peu pourri, un peu pourrave. Ah, c'est que pour les choses négatives. Je pense, ouais, ça pique les yeux, ouais. Bon blaca. Bah, si tu veux, je te fais la définition de tes expressions. Non, mais tu me donnes une idée, c'est bien, tu me pimpes un peu mon. Je te pimpe les yeux. C'est classe. Je te pimpe les yeux. Non, ça pique les yeux, donc c'est quelque chose qui est impressionnant, quoi. Quelque chose qui te choque. Ça pique les yeux. Oui, ça peut convenir quand t'es en terrasse, comme cet après-midi, à regarder les jolies filles qui passent. Ça pique les yeux, man, bien sûr. Ah, ok. Bien sûr, voilà. Cette émission, elle pique les yeux, et ton expression, elle va piquer les yeux aussi, j'en suis sûr. Exactement, ça pique les yeux. Balance. Enfin, c'est exactement ça. Ça pique les yeux, mais ça pique surtout le nez. Oh là là, voilà. C'est par rapport aux allergies, le printemps qui arrive, ouais. Les allergies. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Pollen. Non, ça peut être rapporté aux allergies, mais c'est pas forcément ça. En fait, mon expression. Ça fait couler le nez. Ah, Mais c'est moins bien que ça pique les yeux quand même. Ça fait couler le nez, ça fait dégager de la chambre ou de la salle, enfin comme tu veux. Voilà, mon expression c'est l'oiseau sort de son nid. Alors voilà, l'oiseau sort de son nid, vous pouvez l'exprimer. Quelques petites secondes après avoir exprimé une flatulence. Voilà. Et un petit paix. Bien dit, maître Capello. Un petit prout. Et voilà, vous pouvez tout simplement dire très joliment l'oiseau sort de son nid. Voilà. Ou l'oiseau vient de sortir de son nid. Ou le coucou sort de son. Le lapin sort du terrier. Ouais, mais là, tu vois, en période de printanière, je dirais. Le petit oiseau, c'est mieux. L'oiseau sort c'est de vrai. Son nid, c'est quand même plus. C'est plus, vrai, c'est ça vrai. Ça convient mieux, quoi. C'est ton préféré. Très bien, bah ça le fait. Bon, je rappelle le clash. Donc, cette semaine, ça pique les yeux contre l'oiseau sort de son nid. Voilà. Très imagé, j'aime bien. J'espère que ça sera compris par une grande majorité. Bah, moi. Toi, tu comprends bien, t'inquiète pas. Heureusement moi, j'ai bien compris. J'ai bien heureusement compris qu'il y a la mienne. Une petite distance qui nous sépare. Heureusement qu'il y a une vitre. Bon, Donc bref, ça vote à partir de maintenant. Les urnes et les isoloirs sont à disposition, voilà, à votre disposition. Faites péter les urnes. Faites péter les votes. Ça se passe sur le Facebook Tortoli Herbatax ou sur notre mail directement, parce qu'on a une petite boîte mail. Vous pouvez nous envoyer un petit courrier électronique. Ça s'appelle tortoliherbatax@gmail.com. Voilà, bref, c'est comme d'hab. N'hésite pas, donne ton émission préférée et aussi des propositions. Vas-y, propose, on adore ça. Les petites expressions régionales, jeunes, vieilles, vintage, des expressions étrangères. Vas-y. J'ajoute que tu peux proposer ton expression en faisant sortir l'oiseau de son nid. Quoi. Enfin, tu vois, c'est simultané, tu peux te détendre. Tu peux te détendre devant ton clavier. Tu peux te détendre le sphincter, bien tranquillule. voilà. Place à la musique. Bah oui, directement. Et là, on va être sur une petite note un petit peu plus douce, un peu plus dub, un peu plus tranquille. Le premier groupe qui va venir juste après, ça s'appelle The Shukar Collective. Ils sont roumains. Ça fait quelques années qu'ils tournent. En fait, c'est la combinaison d'un groupe traditionnel de Rome qui jouait plutôt, tu vois, genre avec des cuillères comme ça, etc. Tu vois, à l'ancienne. Et puis, il y a deux DJ de Bucarest qui les ont trouvés. Ils ont enregistré un album. Ça cartonne en Roumanie. The Shukar Collective. Ce morceau s'appelle Ragamami. Vous allez voir, c'est très, très World, hein, c'est un délire world. Et puis juste après, ce sera les Dub Attears et Charlie P. Ils viennent de UK, de United Kingdom. Ils seront justement à Bruxelles à une soirée organisée par Réservoir Dub de Radio Panique. Bref, on en reparle. Juste après, ce sera donc le morceau Backstabbers. C'est le duo. Tout de suite, Shukar Collective. Tranquille, mettez-vous à l'aise. C'est Tortoli Herbatax. C'est le 105.4. C'est du raga, mamie. Drrrah. Oh. Never go and touch the crack. Backstabbers, whoa, la, la, la, backstabbers. L'agenda Q. L'agenda culturel. L'agenda culturel. Et voilà. Alors là, on va parler. Rentre dans le groove. Yo. Ça, c'est un petit DJ Vadim, ça. Exactement, voilà. Ouais. C'est la 15. Tu la reconnais, c'est la 15. Voilà, la track. La track 15. Voilà, l'agenda culturel. Ça parle aux Bruxellois plus spécialement. Ça va bouger sur Bruxelles cette semaine. Ça va sortir, ça va se cultiver, ça va se. Puis plein d'autres trucs, je pense, mais libre à vous. Libre à vous de faire. Libre à vous, mais nous, on va vous donner quelques indications sous les impulsions de Guillemette qui va nous poser les petites questions. Sous les impulsions. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire, Guillemette? Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? Ah. Mardi. Je suis un petit peu embarrassé parce qu'il n'y a plus de Ligue des Champions et plus rien. Mardi, là, je suis. Moi, je fais un barbecue. Je suis libre. Je suis libre à envoyer un mail proposé. Barbecue pour moi. Passons mercredi. Qu'est-ce qu'on fait demain? Demain. Mercredi. Ah, demain. T'as quelque chose à Arbatax? Du tout. Moi, sur toi. Moi, j'ai le concert de The Go Team. C'est à l'Orangerie. L'Orangerie, c'est une salle du Botanique. Et The Go Team, c'est un groupe de Brighton. Voilà, sud Great Britain, you know. C'est ça. You know what I mean? C'est ça. Et il vous en coûtera entre 10, 13 ou 16 euros. 10 euros si t'as la carte, 13 si tu t'y prends en avance, 16 si t'es en retard, comme d'habitude. En retard, toujours en retard. Brighton, voilà. C'est bien. Brighton, vivier musical en Angleterre, mais quel style, Go Team? The Go Team? Rock, électro. Indie rock. Indie rock. Tu vois, je me mouille bien. C'est clair. Indie rock, voilà. Et en fait, ils ont sorti un dernier album il y a très peu de mois parce que c'était en 2011. Donc je t'embête en fait forcément avec les questions, non mais je te fais un petit descriptif vite fait. Leur dernier album s'appelle Rolling Blackouts. C'est sorti en 2011 sous le label Piass. Et voilà, et ils sont mercredi en concert au Botanique. T'as vu? Ça le fait, t'as vu, passons au jeudi. Yeah. Les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi oui. Ah, jeudi oui. Jeudi, moi j'ai rien du tout, je suis libre encore. T'es encore libre? Ouais. Viens, je t'emmène. Allez, viens, je t'emmène à Arbatax. C'est l'ouverture de l'expo Johan Miro. Johan Miro qui va pas venir. Il va pas venir, mais il y aura juste ses œuvres. Il y aura juste ses œuvres qui seront exposées à l'espace culturel ING. C'est sur la place des Beaux-Arts. En plus, je kiffe bien l'espace culturel ING parce que c'est ma banque. Ah, c'est bien. C'est ma banque. C'est bien. On voit. T'as pas un jingle, un slogan, un truc? Non. Je leur dois déjà de la thune. Alors. Et qu'est-ce que tu appelles la place des Beaux-Arts en fait? C'est moi qui hallucine ou... C'est sur la place où t'as un petit bonhomme sur un gros cheval. Ah, place royale. Place royale. You know. Ah, voilà. C'est ça. Et tu sais qui c'est ce mec? Godefroy de Bouillon. Ah oui, exact. Oui, exact. Monsieur Croisade. Et ben lui sera là et il pourra mater du haut de son cheval, il pourra mater l'expo Johan Miro. Donc voilà, il y a des sculptures, il y a des peintures, il y a des dessins et c'est du 24 mars, donc dès jeudi jusqu'au 19 juin 2011. Donc, René Magritte a du souci à se faire. Voilà, René. René, gare tes fesses. Dans tes fesses, il y a Johan qui arrive. On passe au vendredi. Normalement, c'est le vendredi après le jeudi. Ah, normalement. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi pour commencer bien le week-end? Si t'es libre, Tortoli, je t'emmène en début de soirée. Ah, mais on va passer notre semaine ensemble. Bah dis donc, attends. C'est dégueulasse. Attends, comment veux-tu? Ça se passe à 1060. On sera pas obligé de se tenir la main. Tu connais 1060, tu connais? Ouais, c'est là-bas où les oiseaux sortent du nid. Oh. Eh ouais! Arrête. 1060 Saint-Gilles. Dans le bas de Saint-Gilles, en bas de la chaussée de Waterloo, au niveau du parvis, il y a le centre culturel Jacques Franck. Et vendredi, le centre culturel Jacques Franck inaugure une expo qui sera là pendant un mois, donc c'est-à-dire du 25 mars au 30 avril. Et c'est une expo sur le thème du street art. Street art. Qu'est-ce que quid c'est? Du street art. Oui. Alors j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous. Je vais vous expliquer ce que c'est que le street art. Attends, j'ouvre ma page Wikipédia. Tranquillule. Bon, non, mais voilà, ça se passe qu'il y aura des œuvres qui seront exposées, des graphes en fait, on peut le dire, des peintures, alors, attends, des dessins, c'est ouais, ça. Ouais, mais bon, ils se la pètent toujours, ils disent des spray can art, du graffiti, du post graffiti, du futuristic symbolism, nanani. On est dans le technique. Ouais, voilà. Bon, bref. Et Jean-Pierre Technique qui nous parle. Voilà. En tout cas, ça va durer pendant un mois, donc il y aura des dizaines d'artistes qui feront des œuvres là-bas. Et en fait, c'est le vernissage, donc c'est toujours le mieux, le vernissage. C'est l'alcool. Donc voilà, c'est vendredi 25 mars de 18h à 21h, centre culturel Jacques Franck. Et ça se passe dans le cadre du festival de danse d'ici et d'ailleurs. Voilà. Ok, donc ça c'est le vendredi. On peut peut-être enchaîner sur quelque chose après. Ouais. Qui dit vernissage dit qu'après tu sortes un peu chaud. Tu sors ton oiseau de ton nid. Il faut quelque chose. Tu peux sortir avec les oiseaux de leur nid si tu veux. Voilà. Mais après, il me semble qu'il y a la pièce night. Ouais, il y a la pièce night. C'était un peu de thune, hein, je crois. Là, c'est pas un secret, donc on va zapper rapidement. La pièce night, ça se passe à Tour et Taxi, j'imagine. Exact, c'est à Tour et Taxi. Comme chaque année. Et c'est en deux jours. Hein. Là, le 25, c'est donc vendredi. Il y a Faceless, il me semble, et après il y en a d'autres que tu dois avoir sur ta fiche. Il y a The Vengeance, Jim Jones Review, Buraka Sound System, ouais. Cassius. Donc voilà, c'est ça. Hein. Ça contre, c'est le vendredi. Par contre, juste le seul truc, je crois que Buraka Sound System, ils sont juste en DJ set, donc voilà, c'est un peu... DJ MC, ouais. DJ plus MC. Ouais, tout à fait. C'est moyen. Tout à fait. Comme tu veux. Enfin, c'est moins bien. Comme tu veux. J'ai pas dit que c'était moyen, j'ai dit non, c'était moins bien. Non, mais t'es pas obligé de venir. Moi qui avais un petit peu de rond à te prêter ce soir-là, dommage. Ok, je les prendrai pour le samedi. Voyons voilà. Ce qu'il y a le samedi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En mode Saturday Night Fever. Ah, en mode Saturday Night Fever. En mode Saturday Night, qu'est-ce que t'as toi? Il y a la pièce Night encore, Re, hein. Re, je crois que c'est Re le samedi, vas-y, change ta fiche. Non, mais moi je suis directement sur informatique, sur écran. Et en fait, je n'ai pas le descriptif par jour, mais je crois que c'est Aeroplane le samedi. Ouais, et je crois qu'il y avait aussi. Enfin, je crois qu'en fait, Buraka Sound System c'est le samedi, non. Et Cassius le samedi aussi. Attends, non on va régler ça. Non, je crois que Buraka Sound System c'est le vendredi, et par contre, Aeroplane et Mustang le samedi. Voilà, à vous de choisir. Dans tous les cas, toute ça façon, coûte 35€ à la porte. C'est pas donné. De toute façon, il y a eu. Ouais, voilà, les gens ont tellement bouffé de pub là-dessus que je pense qu'ils savent. On le rappelle, Pias, c'est le label belge, bruxellois. Yes, play it again, Sam, ça veut dire. Voilà, c'est ça. Phrase. D'un film. Du film Casablanca. Mais du classique Casablanca. Mais c'est une réplique qui a pas été dite. Qui n'a jamais été dite dans ce film. Alors pourquoi? Mais il y a bien la scène où Sam joue du piano et il y a une nana qui l'écoute. J'ai pas vu le film, hein, je vous le fais comme ça en tant que novice. Il y a une nana qui l'écoute, il y a cette scène où il joue du piano, mais jamais la phrase Play it again Sam n'est prononcée. Bref, c'est marrant. Et, lol. Laisse-moi loler. Voilà, bref. Mais en fait, on en était donc au samedi. T'aurais quelque chose d'autre le samedi. Non, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait la Buzz on Your Lips vendredi. Il a oublié. Ah. Voilà, Buzz on Your Lips qui fête ses 4 ans et qui invite donc pour son anniversaire Otto von Schirach. Otto von Schirach. Je sais pas, c'est allemand. Hein. Ouais, c'est en allemand. Voire autrichien, je sais plus. Voilà, accompagné de Chris Clark, Kovacs, etc. Ça se passe au Steelgate. Voilà, ça t'en coûte 10€ et c'est de 10h30 le soir jusqu'à super tard le lendemain. Et c'est l'anniversaire de Buzz on Your Lips. C'est le quatrième. Voilà. La quatrième année, je crois. Ouais, ouais. Vas-y. Et il y a qui je savais pas si tu l'avais dit. Vas-y, donc ça c'est le vendredi, hein. On est un petit peu troublé comme ça, c'est le vendredi, donc on repasse au samedi. Ah, on repasse au samedi. Tu ouais. veux re-guillemette ou quoi? Non, ça va. Hein. Si, vas-y, mets guillemette. Ah bon, ok. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En mode Saturday Night Fever. Mais toi, tu la connais. Je la connais. Tu la connais. C'est moi qui lui ai écrit ces textes. Samedi, j'ai un petit truc là que je viens de découvrir, c'est la Beaux-Arts Night en fait. Ah d'accord. Bah voilà. Ah d'accord. De 20h jusqu'à 4h, on parle d'expo, on parle de DJ, on parle de film, on parle de performance. Ah d'accord. On parle de pas mal de choses en fait. Bah, on parle beaucoup. Voilà. Et si pour plus de détails, j'ai au niveau de la ZIC par exemple. Par exemple. Hein. Par exemple, bah il y a le fameux Bun Zero. De Bruxelles. Ouais, il y a DJ dubstep quoi, plus ou moins. Ouais, drum and bass, quoi. Un des pionniers du dubstep en Belgique et à Bruxelles, voilà. Notamment. Ah, j'ai un appel, vas-y. tu peux continuer sur le samedi. Je continue, pas de problème. Ça coûte 10€, mais avant la soirée musicale, il y a des performances. Et il y a aussi. Voilà, c'est tout en fait. En fait, j'ai pas envie d'en parler. Il y a des expos aussi. Oh là là. Bon, bah, sur cette belle motivation, je pense qu'on peut passer au dimanche tranquillement, quoi. Ouais, voilà. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine d'après, il y a des trucs. Il y a des trucs ou pas? Non. Non, bon, non. Enfin, on verra ça la semaine prochaine. Ouais. Tranquillement, passons. Il y aura plein de trucs la semaine prochaine. Il y aura forcément plein de trucs. On sera chargé. Yeah. Passons à la musique. Voilà, vous écoutez Tortelier Batak, c'était l'agenda culturel. Et là, on va passer au son un peu hip-hop. On part sur Je tourne la page. C'est la page hip-hop maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, tu m'as glissé vite fait un petit mot et t'avais envie de passer un morceau qui s'appelle Temptation de Guerrilla Warfare Tactics. Alors, je sais pas si t'as envie de dire quelque chose dessus, parce que moi je connais pas. Vas-y, ça sonne bien, ça sonne bien. Guerrilla Warfare Tactics. Je sais pas, on en entendra parler, ça va buzzer à mort ou quoi? Ouais, non, mais ça c'est une évidence. C'est enfin, du brand new, c'est du De toute façon, ce qui passe dans notre émission, après ça va buzzer quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Voilà. Comme la coupe de cheveux années 80, ça va buzzer. brassard Matax. D'accord, heureusement qu'on a la radio. Non, non, mais je vais passer chez le coiffeur, t'inquiète pas, j'ai un bon petit coiffeur dans le quartier. Youssef, si tu nous regardes. Bah 5 euros un coup de tondeuse, qu'est-ce que tu veux, on peut pas faire mieux, moins cher et plus rapide, y a pas moyen. Il y a le jardinier autrement. Youssef, dédicace. Et voilà, et donc Guerrilla Warfare Tactics, on va l'enchaîner avec Baron Von Alias. Baron Von Alias, il est anglais et sur ce morceau il est avec Mista Breeze. En fait ils font un album tous les deux, Baron Von Alias, personnage un petit peu incongru, qui est tout le temps déguisé en baron comme son nom l'indique, chapeau de forme, grandes lunettes, moustache, canne, redingote, tout le machin. Et voilà, ce mec fait de la bonne zik, hip hop, et voilà, faut aller voir sur internet, il fait pas mal de choses depuis, je sais pas, 4-5 ans. Et voilà, sur son dernier album il est avec Mista Breeze, donc deux anglais, ce morceau s'appelle Get Wild. Mista Breeze, rien à voir avec Mister Freeze, enfin c'est pas sa femme. Non. Mais, Mista Breeze, ok. Mista Breeze. Qu'est-ce que tu veux écouter en premier? Ça, ce que tu nous as dit. Ouais, voilà, tu mets Baron Von Alias et Mista Breeze. Le morceau s'appelle Get Wild, Gun Mental. Et ensuite, il y aura le Temptation de Guerrilla Warfare Tactics. C'est la sélection Tortelière Batax, c'est du hip-hop. On se rejoint juste après pour la fin de l'émission. En bonne et due forme, Jack! Nuts. Spanners. Cans in the KFC gets me back. Another fishing trip with the best meat gaza. I'm a senior psycho, so baby don't rate me less. Ask women now, giving them a date with death. Don't keep undressed, don't press the vet. If it's pop, don't fess. Oh, yeah. Get wise, scoop your face. Throw your orbs in the air, but super place. And just got mental, moderated madness. On point like I'm hopping on a cactus. Get wise, worst two psycho. Rip off your clothes and flash like a life straw. Got mental, I hope just offend you. Rip it till you stop. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. I remember waking up in the morning time. Sun creeping, crawling through my fucking window for a second. I was colorblind, eyes open wide, clocks moving too fast. Threw my snap back on and started moving the class. But that's past, it's a new day. Told me I'm too smart to go to school, I tell them touche. Listen to what you say, new swag, new face. We going through that new phase. Laying on the lawn, daydreaming that I'm Lupe. Yup, then we move along. We bumping older songs, cooled out, chilly. So we rolling with the heaters on. Heaters on, nah, riding cleaner than the bomb. Man, I spit the fire to turn winter to fall, man. Aw, man, coming through like a renegade. Flow like graffiti on the overpass, never fade. Darker days light them up, screws loose, tight them up. Ain't fair fighting with my hands free, tie them up. And now they front, asking who the fuck is Dilla Kid. Who the fuck is Dilla Kid? What the fuck did Dilla did? Dilla did this, did that. Pulled a rabbit out the hat, plus he got cake and crumbs on the track. Playing tricks on your mind all night. Yeah, we made you look right and then left with your girlfriends. Magic shit, Merlin, my desire burning. Keep the lights off and the turntables turning. And it goes like, I'm finna take it to the tip top, baby. Finna take it to the tip, take it to the. I'm finna take it to the tip top, baby. Finna take it to the tip, take it to the. I'm finna take it to the tip top, baby. Finna take it to the tip, take it to the. Take it to the tip top, baby. Finna take it to the. Take it to the tip top. And now we gin thinning, fly car whipping. I was swaying, scripting lyrics with precision. Fellas with the beats, what you cooking in the kitchen? Found hip hop and started losing my religion. Now I'm godless, my gods is Nas and Ash Raw. Blast off and watch them pass off the flame torch. I was brainwashed, straight off the main course. More force than the horse that you find inside a Porsche. Cruise to the north, birds out the cage. Tired of the flying, so we chilling in the shade. Life gave me lemons, didn't make no lemonade. Threw the fucking lemons back and busted out the Cabernet. It's getting late. Think it's time to rebel. I quell swells with the speak, leave them under the spell. Where we going, getting harder to tell. But it's dinner time, homie, yeah, we hungry as hell. Yeah, it goes like, I'm finna take it to the tip top, baby. Finna take it to the tip, take it to the. I'm finna take it to the tip top, baby. Finna take it to the tip, take it to the. I'm finna take it to the tip top, baby. Finna take it to the tip, take it to the. Take it to the tip top, baby. Finna take it to the tip top, baby. Et on est à l'antenne. Et voilà. C'est le retour. C'est le retour. C'est le retour des cowboys. Bon, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous êtes bien calés. Et que cette heure se passe tranquillement en notre compagnie. Là, il y avait un petit peu de son. Ça s'appelle. J'ai plus du tout ça sous les yeux, mais ça s'appelle Baron Van Alias. Et juste après, c'était Guerrilla Warfare Tactics. Et le titre, c'est Temptation. Et ce titre, on peut le downloader gratuitement. Tranquille. Vous allez sur leur page Facebook, Guerrilla Warfare Tactics. De toute façon, on l'écrira tout bien ce soir, la playlist. En italique, Arial 12. 12. Tranquillement. Tranquille. Surligné, en gras. Ça fait plaisir. Bah, en tout cas, ouais, ils viennent de New York. Il y a un petit morceau gratos, c'est toujours bon à prendre. Je pense que c'est comme ça que Tortoli l'a chopé. A chippé, a chopé. Donc, c'était le petit duo hip-hop. Et en parlant de morceaux à télécharger gratuitement. Et bah, tu allais parler de. J'allais parler d'un groupe belge, on allait revenir. Non, pas du tout. On peut pas. Apparemment, on l'a pas. On l'a pas, d'accord. On sera sur un. Tant pis, on va se passer autre chose. On va juste chercher un petit morceau à vous passer. On voulait passer The O'Cats. Ouais, en fait, on voulait passer The O'Cats, mais apparemment, le lecteur le lit pas, ou plutôt. Tu vois, le CD est rayé, quoi, fieux, hein. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas grave, je sens ton désarroi, je sais que tu vas commencer à faire sortir l'oiseau du nid. Mais voilà. Calme-toi, je vais te mettre un Cette petit émission son. Cette émission commence à me piquer les yeux. Voilà. Je vais te mettre un petit son, ça s'appelle. Enfin, tu connais. Là, c'est Damien Marley et là, c'est le remix de DJ Newmark. Newmark, c'est le DJ de. De Guru. Jurassic 5. De Jurassic 5, voilà. Et voilà, du coup, on va vous passer ça. Du goût. Du goût. On se retrouve juste derrière. Oh là là, ça pique les yeux! mission, I mean. Me dip out a whole 14, I mean. And reload my next shot magazine, I mean. And wounded them housing scheme, I mean. Now for them I move sideways and lean, I mean. Can't come about when man they in, I mean. We not like them colonial regime, I mean. Ethiopia not like Mussolini, I mean. Me queen of Iraq and come in, I mean. And jump on me big trampoline, I mean. And boost up our self-esteem, I mean. Now for when the home and kitchen so clean, I mean. And which recipe that does steam, I mean. The lyrics them a flow like a stream, I mean. Make you feel like you're living in a dream, I mean. It come to the crap, man, a cream, I mean. It come to discipline, man, a dean, I mean. Me tougher than a home and limousine, I mean. We step in, we fresh and we clean, I mean. It's genocide, it's a genocide. It's a genocide, it's a genocide, I mean. It's genocide, it's a genocide. It's a genocide, it's a genocide, I mean. It's genocide, it's a genocide. We celebrate like I finished probation, boy, boy. Naughty head with no chaser, boy, boy. From the mouth, I can spit out a razor, boy, boy. Open up your facial like your boy, boy. In his prime, eat food, dinner time. Junior gone past the Guinness. Handle business, black velvet sippers. Females never bid us farewell, they with us. Cause we arrive on a scene just like a high beam, nah, I mean. Don't let us have to make the nine scream, nah, I mean. At your racial policing regime, nah, I mean. Spiritual well like an Elohim, nah, I mean. In a casino or a yacht, wherever I'm seen. My brothers and sisters are never forgotten, nah, I mean. Don't wanna hear another soldier drop, nah, I mean. Another dope addict gets shot with the morphine. And feds are indicting my block, nah, I mean. They wearing reds from they shoes to they top, nah, I mean. I'm wishing that all the violence would stop, nah, I mean. When I light this song, I siren, nah, I mean. And some boys soft like ice cream, nah, I mean. From a boy, make the feds intervene, nah, I mean. We send a word about taking traffic, nah, I mean. Parabellum, them a itch up in a spleen, nah, I mean. In a Queen's gun, man reign supreme, nah, I mean. Kingstonians are real blood fiends, nah, I mean. The world is a big crime scene, nah, I mean. Genocide, it's a genocide. Come on, they're real buffalo in a Rastafari regime. Bush bungalow where me dwell with my queen. Trash to the bone in a camouflage green. No for them we can't go the places we be. No for them we can't see the sights where we seen. That's why them face all a twist up on a lean, nah, I mean. They better mind we kick it off clean, nah, I mean. Man a gangster just like Gambin. That mean them can't serve Congo jet coats up bean, nah, I mean. How you want come in can be, nah, I mean. Attorney of Iraq and come in, nah, I mean. Me pocket them green like Sperling, nah, I mean. Me regular fly out and fly in, nah, I mean. The stadium park like sardine, nah, I mean. Can't catch my speed up, so won't need caffeine. Run out of breath and antihistamine. Wash over gold and come in like Listerine. You think I lie way better than Al Pacino, nah, I mean. Genocide is a genocide, nah. Genocide is a genocide, nah. Junior Gang, huh. Genocide is a genocide. Tortoli e Arba Tax, la radio numero uno in Italia. Et ouais, et voilà. Numéro 1 en Italie, ma gueule. Numéro 1, bah ouais. Normal. Attention, la Belgique, on arrive. Bon, alors on a eu un petit souci, mais c'était pas un gros souci parce que le morceau de DJ Newmark, le remix de Nami, n'est pas trop mal quoi. Ah non, il est moins punchy que l'original quand même. Un peu si moins je peux me permettre. Oui, c'est vrai, tu peux te permettre. Si je peux me permettre. Non, mais c'est pas mal, ça pique pas les yeux. C'est pas mal. Non, ça pique pas du tout les yeux, c'est pas mal. En ces temps de printanier. Mais juste avant ça, on vous parlait de The Hockets, un groupe belge, un trio belge. Ouais. Qui monte, comme la petite bête. Et. Et bonne et, ouais. Et en fait, voilà, on a le morceau, il est calé, je pense qu'il va passer. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle après, on en parle maintenant. Bah, une présentation, quoi. On peut vite faf en parler, quoi. On dit que c'est un trio, quoi. Voilà, c'est un trio. Vas-y, t'as qu'à le dire. Je sais pas. Vas-y, dis-le. C'est un trio. C'est un trio. te fait plaisir. Ouais. Donc c'est un trio belge, franco, belge, américano. Ouais, voilà. C'est ça. En live, c'est vachement bien. Ils ont tourné pas mal dans la région ces derniers temps et ils vont s'exporter. Puis récemment, ils étaient à Amsterdam. Ils feront des festivals cet été. Ils seront même à Dour en plus. Ouais, mais surtout la grosse particularité de ce groupe, c'est qu'ils jouent avec des instruments qu'ils ont construits ou qu'ils ont inventés eux-mêmes. C'est vrai. D'où l'intérêt de les voir en live. Ouais. Et en plus, ils ont un style super déglingué, super drôle, super marrant. Ouais. C'est des mecs qui ont, je sais pas, quasi la quarantaine, quoi. C'est méchant pour eux. Non, mais c'est pour donner une indication aux auditeurs face à qui tu... Physiquement, ils ont la quarantaine. Physiquement, ils pourraient faire de la radio. Et ouais, voilà, ils tapent sur des instruments. Il y a du bois, il y a du plastique, il y a de la percu et tout. Les influences, bah, il y a du hip-hop, mais ils sont influencés aussi par des percussions africaines, je sais pas, des trucs un peu plus rock, etc. Et leur premier album sort en avril chez le label Crammed Disc. Ouais. Crammed Disc. Et ça s'appellera Belgotronics. Belgotronics, c'est ça. Je peux même te donner la date, c'est le 4 avril. Voilà. Et il y a plein de chansons régionales, je pourrais dire. C'est-à-dire que ça cause Belgique quand même sur pas mal de morceaux. Ouais, notamment. Dont celui-là, voilà. Bah, vas-y. Ah, elle s'appelle Cook de Dinan. Cook de Dinan, voilà. Donc, Cook, pour les Belges, pas besoin d'expliquer. Pour les non-Belges, Cook de Dinan, c'est un biscuit immangeable qui vient de la ville de Dinan. Voilà. Enfin, tu croques dedans, tu perds ta gencive. Tu perds ta dent, c'est tu arrivé. Tu perds ta dent, et c'est arrivé. Au coin d'une rue. C'est vrai. Et donc, ils ont décidé d'en faire une chanson. Vous allez voir, ça sonne un petit peu. Au niveau du flow, ça sonne un peu Beastie Boys, vous allez voir. Mais en tout cas, ça le fait. Cook de Dinan. Cook de Dinan sur Tortolier Batax. On se rejoint juste après ça pour la fin de l'émission. Cook de Dinan. Cook de Dinan. It's hard. It'll break your teeth if you try to bite into it. So if you wanna eat it, you gotta suck that cook de Dinan. Suck it, suck it, suck it. Suck that cook de Dinan. Suck it, suck it, suck it. Suck that cook de Dinan. Tout trouvé. Voilà, c'était Cook de Dinan, pas mal. Enchaîné avec une instru shuriken. Tortoli, tu m'impressionnes. Non, c'est pas moi, c'est moi qui tape là. Ting, tong, ting, ting, tong. Pas mal. Voilà. Donc voilà, c'était le groupe Hoquette. Voilà, c'est Hoquette. À suivre, hein. Ils sont de passage sur Bruxelles. Ils font pas mal de festivals en France et en Belgique au printemps, cet été. Ils seront à Incourt. Je crois qu'il y a un festival les 5, 6, 7 mai à Incourt aussi en Wallonie. Incourt, deux cours, trois cours. Ça fait 4 longs. Tranquille. C'est un long. 4 longs. 3 cours, ça fait un long. Ok, c'est ça. Voilà. C'est ça. Une blanche, une noire. Enfin, elle est drôle. Pour vous faire le solfège, elle du solfège. Elle est bien. Voilà, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Oh, tout le monde est triste. Ah, voilà. Oh, c'est mais on va revenir la semaine prochaine. Voilà, on a invité des squaws, des sioux dans le studio, ça le fait. Des apaches. Et comme chaque semaine, avant de se lancer le classique, puisqu'on finit toujours par un classique des classiques. Un classique. On va dire qu'on peut podcaster, réécouter cette émission. Enfin, si t'es déjà rendu à ce niveau-là de l'émission, c'est que tu l'as déjà bien entamé, mon gars. Déjà fait. Mais si t'écoutes en direct au lieu d'être en terrasse, eh ben, sache que tu pourras la retrouver quand le soleil sera couché. Voilà, tu pourras t'endormir avec nous, tranquille. Et où ça? Dans ton lit? Non, pas t'endormir, non. Où ça on peut podcaster l'émission? Ah d'accord, pardon. Oui, pardon. Sur ton ordinateur? Enfin, tu peux podcaster dans ton lit, mais voilà, il faut quand même être muni d'un ordinateur. Qui a internet. Voilà, et qui d'autant plus a un login Facebook. Voilà, ou alors tu peux... Et non, en plus, faut être pote avec nous ou pas? Oui, mais pas forcément. Tu peux retrouver sur la page de Radio Panique, la page de Tortelier Arbatax, t'as le lien archive et un lien Mixcloud. Tout simplement. Pas besoin de ça le fait, Facebook. Hein. Ça le fait. Ça pique les yeux quand même comme principe. Ouais, j'adore. Mais c'est jouable. C'est jouable. Hein. Bon, voilà. Le classique de la semaine, c'est quoi? On se termine bien comme d'habitude. Bah ouais, hein. Vu que les jours sont heureux, les jours sont marrants, les jours sont rigolos. Les jours sont heureux, printemps. Ça suffit quoi. Happy days quoi. Happy days. Tranquille. Mais juste avant ça, on peut quand même rappeler les prochains événements qui viennent sur Radio Panique. Un peu d'autopromo, bah, bien sûr. Là, il y a Djibouti qui arrive tout de suite avec un poil de retard. Emmerich, je crois. En retard. Emmerich serait en retard, attention. Sa gueule à côté, Hubert. Ouais. Hubert est en feu, là, est en rage. Donc voilà, Djibouti qui arrive juste après et qui va vous accompagner jusqu'à 19h. Et puis. Ce soir, il y a Cuisine Allemande, c'est ça? Cuisine Allemande à partir de 22h. Jeudi, il y a une super émission Réservoir Dub qui a une interview de Bigarynx. Voilà, bon, un petit peu après nous, quoi, mais. C'est pas grave, je pense que ce sera peut-être différent. Voilà, les auditeurs peuvent toujours comparer l'interview qu'on a faite la semaine dernière en réécoutant celle de la semaine dernière et c'est l'avenir. Nous ne craignons pas la comparaison. Voilà, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc ça c'est jeudi soir, 21h30, Réservoir Dub. Et puis voilà, nous, quant à nous, Tortoli, c'est mardi prochain. Nous, Tortoli. Nous ne formons plus qu'un. Ouais. Bientôt, on va garder un pseudo. Non, j'essaie juste. On sera les Tortoli. Quand je dis Tortoli, en fait, j'ai remarqué que c'est le seul moyen de capter ton attention, tu vois. Le Tortoli Band. Le Tortoli Band. Le One Man Band. Tortoli et. C'est tout. Voilà, nous, c'est mardi prochain, normal. 17-18h sur Radio Papa. Eh bien, écoute, Tortoli, on va se quitter avec Happy Days. D'accord, Tortoli. Monday, Tuesday, ça commence comme d'hab. Hein. À la semaine prochaine. Ciao. Arbatax. Merci. Gray sky, hello blue. There's nothing at all me without you. Feels so right, you can't be wrong. Rockin' and rollin' all week long. These days are ours. Share them with me. These days are ours. Happy and free. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle humps. Ready to race to you. These days are ours. Share them with me. These days are ours. Happy and free. Goodbye gray sky, hello blue. There's nothing at all me without you. Feels so right, you can't be wrong. Rock and roll it all week long. Non. Le soleil est bleu, le ciel brille, Tortelier Arbatax tous les mardis sur Radio Panique. Panique.